contre l'enlèvement collectif des citoyennes nord-coréennes par les autorités du Sud, l'Association pour l'amitié et la solidarité Congo-Démocratique-Corée a publié le 11 une déclaration.